de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Né esclave en 1743 dans la colonie française de Saint-Domingue, il est mort alors qu'il était détenu au fort de Joux dans le Jura le 7 avril 1803, c'est-à-dire 10 mois seulement avant la proclamation de l'indépendance en Haïti. Peu connu en France, Toussaint Louverture est un acteur central de la Révolution haïtienne, période fondamentale de l'histoire de la Caraïbe. En 1985, pour le magazine L'Échappée Belle, Dominique Rousset s'était rendu en Haïti sur ses traces afin d'éclairer le parcours, le rôle et la complexité de ce personnage élevé au rang de mythe national en son pays. Voyage en Haïti, sur les pas de Toussaint Louverture, une émission réalisée par Brigitte Aléo et diffusée pour la première fois sur France Culture le 10 mai 1985. Port-au-Prince, le 11 novembre 1982. Monsieur l'ambassadeur, me référant à nos dernières conversations, j'ai l'honneur de vous adresser par la présente, au nom du gouvernement haïtien, une requête officielle afin que le gouvernement français accepte à restituer à la République d'Haïti les restes de Toussaint Louverture, qui se trouvent au fort de Joux dans le Jura. Le gouvernement haïtien n'ignore pas les difficultés inhérentes au repérage et à l'identification des ossements de Toussaint Louverture, dont la dépouille mortelle avait été placée dans une fosse commune qui fut soumise à divers mouvements de terrain sur laquelle, semble-t-il, des constructions auraient été érigées depuis lors. S'il s'avère vraiment impossible de retrouver avec certitude les restes du grand précurseur, le peuple et le gouvernement haïtien souhaiteraient que la France, dans un geste de grande portée symbolique, remette à la nation haïtienne, avec l'éclat et le faste qu'elle jugera nécessaire, une urne contenant de la terre provenant de l'emplacement où le corps a été inhumé. Reste ou urne pourrait être solennellement installé au musée du Panthéon national à l'occasion de son inauguration en avril 1983. En vous remerciant des suites que vous voudrez bien donner à la présente requête, je saisis cette occasion pour vous renouveler, monsieur l'ambassadeur, les assurances de ma très haute considération. Jean Robert, estimé secrétaire d'État. Monsieur le ministre et chers collègues, en vous exprimant mes remerciements pour la teneur chaleureuse du récent télégramme que vous m'avez adressé au sujet de l'urne symbolisant le retour des restes de Toussaint Louverture, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons pris en considération votre souhait d'un transfert de cette urne en Haïti, même au cours de la seconde quinzaine de mars. En accord avec le président de la République que j'en avais entretenu, j'ai décidé de charger personnellement son nouveau représentant, l'ambassadeur de France, M. François Michel, qui arrivera à Port-au-Prince le 21 mars, de vous remettre en main propre l'urne en question avant la fin du mois, conformément à vos vœux, au cours d'une cérémonie dont vous comprendrez aisément que nous ayons à cœur qu'elle se déroule à l'ambassade de France. Je vous prie d'agréer, monsieur le ministre et chers collègues, les assurances de ma haute considération. Signé Claude Chesson, ministre des Relations extérieures. Voyage en Haïti, sur les pas de Toussaint Louverture. Pour parler de Toussaint Louverture, je vous dirais, comme vous le savez déjà peut-être, qu'il est né au haut du Cap, sur l'habitation Breda, d'où son nom Toussaint Breda. Mais Toussaint Louverture, on ne sait pas pourquoi, est resté près de 40 ans sur l'habitation de son maître, alors qu'il avait les possibilités d'acheter sa liberté. Car il travaillait, il avait suffisamment d'argent pour le faire, puisqu'il a pu payer la liberté des membres de sa famille. Mais lui, personnellement, il est resté malgré tout sur l'habitation. C'est-à-dire dans ce climat que nous n'avons pas retracé et que l'on connaît le climat de l'esclavage. Haïti, au cœur des Caraïbes, le tiers de l'ancienne Saint-Domingue, gorgé de fruits et de soleil, n'a rien perdu des attraits qui firent autrefois le bonheur des colons français et espagnols. Mais c'est l'un des pays les plus pauvres du globe, et dans bien des régions, les paysans, qui forment la très grande majorité des 6 millions d'habitants, vivent au rythme de leurs ancêtres, travaillant avec les mêmes outils, une terre seulement plus ingrate. L'histoire d'Haïti est tumultueuse, irrationnelle, hantée par la légende et le merveilleux. Mais si chaque peuple a sa mémoire collective, dans celle des Haïtiens, on trouve d'abord la fierté d'avoir fondé la première République noire du monde. Presque tous les Haïtiens connaissent aujourd'hui les noms de Toussaint Louverture et après lui ceux des grands généraux, Pétion, Dessalines, Christophe. Curieux homme que ce Toussaint Louverture qui vit ses frères secouer le joug de l'esclavage dès 1793 et les conduisit au seuil de l'indépendance avant d'être abattu par Napoléon, jaloux de son formidable charisme. Toussaint est aujourd'hui élevé au rang du mythe et les historiens n'en finissent pas de gloser sur son influence. Pour l'école classique, un grand spécialiste, Gérard Laurent. Il a participé au mouvement de 91, mais d'une façon indirecte. Il a préféré lancer un autre chef, qui était Bookman. Et on voit pourquoi il a agi de cette façon. C'est qu'à l'époque, la plupart des Noirs avaient peur du colon, du maître. Ils n'oseraient jamais se lancer dans un mouvement révolutionnaire, encore même frapper un blanc, ou bien alors faire du tort au blanc en ce qui a trait à ses biens. Bookman était un chef du vaudou, donc une personnalité qui exerçait une grande influence sur la grande majorité des Noirs, vaudouisant à 98%, et Bookman a pu faire comprendre aux Noirs qu'il avait reçu des messages des dieux africains, et que ces dieux leur faisaient savoir qu'ils devaient se révolter contre leur misère, contre la vie que l'on menait à ces domaines, contre les colons, faire le plus de tort possible à ces derniers. Et ces dieux leur disaient également qu'ils seraient, eux, sur les champs de bataille pour leur prêter main forte et assurer leur victoire. Toussaint, lui, il n'était pas vaudouisant, donc il n'aurait pas pu exercer une même influence sur les Noirs. Vous voyez? Car les Noirs, pratiquement, étaient comme envoûtés. Et lorsqu'ils sont sortis des habitations avec des torches pour enflammer et flamber toutes les habitations, martyriser les Blancs et les chasser, vous voyez, et à ce moment-là, on n'a pas vu Toussaint Louverture du tout. Et c'était très vraisemblablement à la suite de cérémonies vaudou qui les avait un petit peu fanatisés. C'est cette cérémonie, justement, parce qu'au cours de cette cérémonie, les chefs ont bu le sang, n'est-ce pas? Il y a la cérémonie du sang. Ils ont bu le sang d'un cochon, n'est-ce pas? Et ils ont prêté serment sur ce sang, vous voyez? Donc, selon leur religion, cela les liait d'une façon. Voyez-vous, il n'y avait plus moyen de s'en défaire. Ils devaient obéissance absolue au chef Bookman. Un éditorial dans la première décade de Ventose 1794, où la grande joie du père Duchesne au sujet de la fête que les sans-culottes ont célébrée dans le temple de la raison, ex Notre-Dame, en réjouissance de l'abolition de l'esclavage des nègres. Ha ! Quel beau jour ! Foutre ! Que celui où on a vu un brave Africain et un mulâtre prendre séance à la Convention. Un temps viendra, j'espère, où tous les peuples de la Terre, après avoir exterminé leurs tyrans, ne formeront qu'une seule famille des frères. Peut-être un jour verra-t-on des Turcs, des Russes, des Français, des Anglais, des Allemands, réunis dans le même Sénat, composer une grande convention de toutes les nations de l'Europe. Un événement aussi heureux que celui qui anéantit jusqu'au dernier signe de l'esclavage en France devait être célébré par les sans-culottes. La Commune de Paris, qui est la première à lever l'étendard de la liberté, vient de rendre hommage à la raison de ce nouveau triomphe. J'aurais voulu, foutre, que la France entière assistât à la fête républicaine qui a eu lieu dès d'acquis dernier, en réjouissance de l'abolition de l'esclavage des nègres. Jamais, foutre, les voûtes de la ci-devant cathédrale ne retentirent d'un pareil tédéum. Le moulin a pour but de machiner la canne. Et après avoir machiné, le jus de canne devient maintenant vésou. Après l'avoir machiné, elle descend dans ce petit ruisseau-là, cette rigole, c'est ça? Et elle tombe dans les cuves. Et le moulin et la machine broient la canne à sucre qui se transforme en jus de canne. Et ce jus de canne, c'est le vésou. C'est à l'aide du vésou maintenant qu'on est en train de préparer du sucre. C'est ça. Et c'est un très vieux moulin, ça, monsieur? Bien, depuis la coloniale. Depuis la colonie. En Haïti, aujourd'hui, autour de Port-au-Prince, on trouve de nombreux moulins et des distilleries de canne à sucre, les guildives. Il ne faut pas oublier que l'on fait ici le meilleur rhum des Caraïbes. Mais il y a aussi des installations plus modestes qui fabriquent les célèbres clairins, fabrication artisanale, mêmes installations qu'au XVIIIe et au XIXe siècle, conditions de travail très dures dans la chaleur écrasante, les travailleurs, mal payés, sont embauchés à la journée. Après l'arrivée des cannes à sucre, enfin, pour la building, et on a fait des propositions avec le sirop mélangé, ensuite avec le vidange, l'eau, voilà. La composition, c'est un mélange assez curieux, fait de sirop, d'eau et puis d'autres résidus. C'est dans ces grandes cuves qu'on voit là, on mélange tout en même temps. Et comment on l'extrait, le sirop? On a fait bouillir la jus de canne. On voit ce que vous appelez le sucrier, c'est-à-dire quelqu'un qui est en train de verser devant les grands bacs où il y a le jus, le sirop. Oui, oui, d'accord. Et avec une longue pelle en bois, enfin une sorte d'écuelle au bout d'un manche en bois, il verse d'un bac dans un autre bac, c'est ça? Oui, oui, et le jus de canne se transforme au fur et à mesure. Donc il faut quatre chaudières. Et les dernières chaudières, on a le sirop pur, c'est cela? Oui. C'est comme celui qu'on voit ici qui est en train de bouillonner là, dans cette chaudière. Oui. Ça, c'est ça, la dernière c'est le sirop, opération. C'est la dernière opération. Là, effectivement, il a l'air porté à une très très forte température, c'est très très chaud. Hein. Et puis il y a tous les déchets de canne à sucre alors qui sont devant nous. Et ça, c'est quand c'est fini, tout ça, c'est les déchets, on n'en a plus besoin. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une pile énorme de cannes, mais dont on a enlevé toute l'intérieur. Oui. Et les autres personnes, qu'est-ce qu'elles font là, monsieur? Parce qu'il y a le sucrier. Voilà, le sucrier, et ensuite les travailleurs, les journaliers, etc. Les journaliers, c'est ceux qui apportent les cannes, c'est oui, ça oui. Mais qui, à partir de quel moment nous viendrons? À partir de moment, on a date ça, on a époque ça. Époque quand? Mais oui, on a époque de quand. Au moulin, ce n'est pas un travail régulier. Ça va, ils ont un travail souvent saisonnier. C'est ça. Et qui varie et suivant la récolte de la canne à sucre. Et à partir de ce moment, parfois le travail souvent s'effectue à partir de 9h du matin et puis jusqu'à 5h. Parfois beaucoup plus dans la période de récolte où il y a beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Ce sont tous des gens qui viennent se louer ici. Ce sont des journaliers, oui. Donc ici c'est la distillerie, c'est la guildive. C'est la guildive. Qui est à quelques mètres en fait des moulins de canne à sucre qu'on a vu tout à l'heure. Et où on apporte donc le jus de canne, tel qu'on l'a vu une fois préparé, c'est bien cela? Une fois préparé. Et alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? Oui, vous levez si vous avez dehors, vous mettez dans une pièce là, il fait le bouillir. Il y a le bouillir là, le bouillir. Après il fait le bouillir, il fait une cale. Pendant le cale là, il fait le maintenant dans là, il vient dans la chaudière là. Il passe là. Il tombe dans la chaudière. Pendant qu'il tombe dans la chaudière, il y a le bouillir encore. Il vient passer dans l'appareil. Ouais, il passe dans l'appareil là, il monte dans tout ça en l'air. Après ça, il vient tomber dans le bassin là. Il vient tomber là encore. Ouais, mes côtés, clairant l'alcool là, il vient descendre. D'accord. Voilà. C'est tout. Donc, le circuit là qu'on vient c'est nous tout expliquer. Le circuit qui vient de nous expliquer en très peu de mots. On a compris qu'il y avait beaucoup d'ébullition en tout cas, on avait beaucoup bouillir. Voilà, on recueille le sirop produit par les moulins et des environs. Et puis le sirop est transposé dans des fûts dehors, à l'extérieur. Puis il y a des travailleurs, des journaliers qui les transportent et les transposent dans un grand fût. Et dans ce fût, le sirop commence à bouillir. Ça boue et puis plus tard... Et le sirop est transporté à travers un tuyau assez long et transvidé dans un premier vase. Jouvin, qu'on dit ici. Et après, il arrive jusqu'ici devant cette chaudière. Devant cette chaudière. Et on le fait encore bouillir. On le fait encore bouillir. Et puis ça se raffine. Et puis on recueille. Et un liquide, on l'analyse ici. Analysé. D'accord, dans un analyseur. Puis ensuite, il est transposé dans un vase et après, on le recueille dans un fût et puis ça devient clairin. Et ça devient le fameux clairin. C'est le fameux clairin. C'est-à-dire, c'est une eau de vie. C'est une sorte d'eau de vie. Qui est très, très courante ici. Qui rappelle l'eau de vie de la Martinique. Le fameux punch. Et alors, toutes ces installations, elles sont très anciennes. Enfin, le regarder comme ça, en tout cas, les fûts ont l'air extrêmement anciens aussi. C'est à peu près toutes les installations. Enfin, on sait, j'ai tout fonctionné. Ils ont anciens, un pile, tout. Oui, tout anciens, testament. Depuis souvent ancien. Ancien Testament. C'est depuis souvent ancien sous blanc français. Ça existait déjà sous les blancs français, ouais, c'est ça? Ouais, voilà. Ouais. Qui ça Ça a le vidant. Ça a le vidant. Il va couler le code là. C'est ça qui pas qu'à transformer en clair. Hein? Oui, pas qu'à transformer en clair. Vidant. Non, alors tu es bon tout à l'heure. Hein? Non, il dit le mazou, c'est ça? Oui, mazou. Pas vezou, mazou. Mazou. Mazou. La misère vin coco bébé moi. La terre vin côté pays malais. Système dit moi ti a goujou à la ville. Tellement fait paysan yo habit. Ça pas sauvé à travail l'empoyol. Pas gué moyen pour yo travail la terre. En bagay sa manje monte bois. N'a pas acheté du riz à quoi l'en main voisin. En bagaille, ça manger mon débois. N'a pas acheté du riz à quoi l'en main voisin. Abe moui wadi li poitrine. Pendant que ma kouta bambile. Pays ma fils paraît wadi son chou bois blanc dans mer. Pendant que ma kouta bambile. Pays ma fils paraît wadi son chou bois blanc dans mer. Campis au Miami, la chambre comme c'est nommé. Quand on fait Canada, ça fait nous pariler. En Europe, en Afrique, quel que soit pour délire, c'est que nous l'avons marché. Dans prison Miami, la chanson s'est nommée, dans l'enfer Canada, ça fait nous pas régler. On a son Bahamas, on est wap en Afrique. Quel que soit beau dédié, c'est que nous l'avons mangé. En 1795, Toussaint Louverture est nommé général de brigade. Il fait une brillante campagne contre les Espagnols, se retourne contre les Anglais qui menacent l'île et dans le même temps rétablit partout l'ordre et la paix. Mais en France, le directoire a succédé à la Convention et plus d'un propriétaire des terres lointaines s'inquiète du pouvoir grandissant de ce nègre à talent à Saint-Domingue. Gérard Laurent. Alors, Toussaint Louverture, lui, il observe. Il observe d'abord le premier agent qui se présente, c'est Saint-Onax. Et il voit la politique de cet agent. La politique de cet agent est susceptible de nuire aux Noirs. En ce sens que Saint-Onax, lui, il ne comprend pas, il ne réalise pas que la liberté est un danger. Il croit fermement à la Constitution française et il vous dit que les Noirs sont irrémédiablement libres. Mais Toussaint Louverture a des agents en France. Et par ces derniers, il est au courant de tout ce qui se fait, de tout ce qui se prépare, n'est-ce pas? Et on parle d'une ressurgence de l'esclavage. Mais Toussaint Louverture a réalisé que Saint-Onax n'avait pas compris qu'en réformant les armées, il ferait du tort demain aux Noirs. Quand Saint-Onax tenait à cette réforme. Or, Toussaint Louverture était à ce moment-là à la tête d'une armée de 48 000 hommes. S'il fallait les réformer, il faudrait envoyer un grand nombre d'entre eux, retourner un grand nombre d'entre eux sur les habitations en tant que cultivateurs, les désarmer également, ce qui aurait affaibli considérablement la position de Toussaint Louverture. Donc à ce moment-là, il n'y avait plus d'entente possible entre lui et Sotonax, et il n'a pas hésité à frapper fort pour se débarrasser de Sotonax, en prétestant que Sotonax a été nommé député en France, qu'il était plus que temps pour lui de vider les lieux. C'est ça, donc il s'en est un petit peu débarrassé en lui conseillant de rentrer au pays. C'est ça. Mais est-ce que vous pensez donc que dès avant Bonaparte, on avait un peu le sentiment en France que Toussaint Louverture prenait trop d'importance et qu'il était temps de le freiner? Oui, dès avant Bonaparte certainement, parce que Sotonax, quand il est arrivé là-bas, il a présenté un rapport fulminant contre Toussaint Louverture, faisant voir que si on ne prenait pas grand soin, Toussaint Louverture serait capable de conduire la colonie à l'indépendance. Donc, on envoie, pour remplacer Sotonax, quelqu'un d'autre, c'est Hidouville, le général Hidouville, qui a à peu près la même mission que Sotonax, mais qui en plus est chargé de ne pas reculer dans le choix des moyens pour diminuer la puissance de Toussaint Louverture. Or, Toussaint Louverture, après le départ de Sotonax, avait écrit à la France pour faire savoir qu'il promettait de garder la colonie à la France si il était gardé dans sa position et si également la colonie n'avait pas d'ennui de la part des représentants de la France. Et Louville arrive, et voyant que Toussaint Louverture était très fort, il divise Toussaint Louverture avec les citoyens de couleur. C'est-à-dire ces citoyens de couleur, puis les chefs de couleur, qui anciens affranchis pour la plupart, qui étaient devenus des citoyens, qui étaient libérés par la loi du 4 avril et qui étaient très attachés à la France. Oui, c'est là qu'interviennent les premiers conflits vraiment graves entre les Noirs et les mulâtres. C'est le point de départ. C'est le point de départ. Et qui devait ensuite déchirer le pays jusqu'à une période très récente. C'est exact. Vous allez avoir les deux périodes, la lune avec Vilatte pour le Nord, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle l'affaire Vilatte, et ensuite la guerre du Sud. France Culture, l'échappée belle. Partir, découvrir. 524-19-19. Aujourd'hui, voyage en Haïti sur les traces de Toussaint Louverture. Thompson, font-il gens pour papa aller vous m'entendez? Parce que nous allons enregistrer un bagage là. Gestard Armand, vous êtes peintre vous-même et vous êtes responsable du musée d'art haïtien ici à Port-au-Prince, donc vous en êtes le directeur. On aimerait savoir si les peintres haïtiens, traditionnellement, ont représenté beaucoup de scènes de la période révolutionnaire et surtout de Toussaint Louverture. Vous savez, ça se retrouve surtout chez les peintres du Cap haïtien. Ici en Haïti, on le sait bien que les gens du Nord sont toujours très fiers de leur histoire. Et c'est peut-être parce qu'ils ont aussi la présence, la mémoire de leur histoire avec la citadelle qui est encore vivace parmi eux. Et c'est surtout chez Philomé Aubin, Sénèque Aubin et pas mal de jeunes de l'école Aubin quand même qui reprennent de temps en temps et les scènes historiques. Ici au musée, on a deux tableaux de Toussaint Louverture, représentant Toussaint Louverture, un de Philomé Aubin et l'autre de Sénèque, son frère. Mais de temps en temps comme ça, on trouve certains jeunes peintres qui choisissent ce côté historique. Encore aujourd'hui, dans encore la peinture haïtienne oui. contemporaine, qui oui, se oui. démarque un petit peu de la peinture plus traditionnelle. De la peinture traditionnelle. Et parfois, ça verse un petit peu aussi de la commercialisation, il faut le dire. Et les grands faits révolutionnaires, je sais qu'il y a des tableaux par exemple sur la bataille de Vertières. Oui, il y a le tableau là de Sénèque Aubin sur la bataille de Vertières. On va peut-être s'en approcher avec vous là, on va le regarder. Donc la bataille de Vertières, on voit la date est écrite d'ailleurs par le peintre lui-même. Oui. Combat de Vertières, 18 novembre 1803. Toussaint était déjà mort à la bataille de Vertières, mais pas longtemps, peut-être... une année avant. C'est ça. On va peut-être un petit peu décrire le tableau. On est obligé. Il y a eu sûrement le grand Capois la mort, qui a été aussi un grand héros, qui est passé au deuxième plan, mais c'est des historiens disent que c'est lui qui a été toute la bataille de Vertières. Et c'est lui qui est allé au devant et Dessalines était resté un petit peu derrière. On l'a surnommé Cap à la mort, c'est-à-dire l'homme qui n'avait pas peur de la mort. C'est lui qui affrontait les boulettes, les canons et qui a vraiment fait cette bataille. Est-ce que c'est celui qui avait été félicité même par l'ennemi, qui était impressionné par son courage? C'est ça, c'est ça. On lui avait adressé un message en cours de bataille pour saluer sa bravoure. C'est ça. Alors sur le tableau, là, on va peut-être le décrire, si vous voulez bien, Gisela Armand. C'est pas très facile à faire, mais on voit donc cette bataille qui a l'air assez sanglante. On aperçoit les Français qui sont de l'autre côté, tout en haut du tableau à droite. Ouais. Et puis au premier plan, donc les combattants noirs qui viennent un petit peu à l'assaut. Est-ce que c'est un tableau très typique pour vous de la peinture haïtienne, ce tableau que l'on voit là de Séné Cobain? Bien sûr, c'est atypique de la peinture haïtienne. Ça représente aussi l'école, surtout l'école du Nord. Il appelle dans le même style que son frère, Philomé. Il vit encore, lui il est mort, Sénèque. C'est très typique de l'école du Nord. Avec des couleurs assez pastelles, assez douces. Assez pastelles, une technique assez sombre. Il y a là le Toussaint Louverture. Alors juste Sénèque, à côté, oui, il y a un portrait de Toussaint Louverture lui-même, donc à cheval. Et là encore, le peintre a écrit la légende générale Toussaint Louverture, précurseur de la révolution d'Haïti. Et on voit donc Toussaint à cheval devant un paysage typiquement haïtien. Naturellement, qui ne représente pas vraiment le portrait qu'on connaît de lui, mais il a voulu faire un Toussaint, il l'a fait très digne sur son cheval blanc, sûrement sur la montagne étant, est en train de regarder. De voir tout un panorama, ce qui se passe en bas. J'espère que ce n'est pas l'arrivée des Français qui viennent chercher. Portrait de Toussaint Louverture, adressé en métropole par le général Ramel. Toussaint est âgé de 55 ans. Sa taille est ordinaire, son physique rebutant. Il est laid, même dans l'espèce noire. Il naquit au Gonaïves, sur l'habitation d'Indéry. Fut d'abord cocher, puis attier, et finit par être gérant de M. Déricourt. Il monte bien à cheval, et lestement. La nature l'a doué d'un grand discernement. Il n'est pas trop communicatif. Brave, intrépide et prompt à se décider quand il le faut. Tous les ordres qu'il donne, il les écrit de sa main. Il n'est permis à aucune aide de camp ou secrétaire de décacheter ou lire les lettres et mémoires qu'on lui adresse. Lui seul les ouvre et les lit avec beaucoup d'attention. Il ne fait pas attendre sa réponse et ne revient jamais sur ses ordres ou sur ses décisions. De tout temps très attaché à la doctrine de la religion chrétienne, il hait ceux qui négligent de la professer. Frugal, sobre jusqu'à l'excès. Du manioc, quelques salaisons et de l'eau, voilà sa nourriture et sa boisson. Il croit fermement qu'il est l'homme annoncé par l'abbé Rénal, qui doit surgir un jour pour briser les fers des Noirs. Bon époux, père tendre, on ne peut qu'admirer l'attachement et le respect qu'il porte à son parrain qui reste en haut du cap. Il ne vient jamais dans cette ville qu'il ne s'arrête chez lui en arrivant. Bonjour, vous êtes à l'école ici, à Port-au-Prince? Oui. Vous étudiez ici? Oui. Est-ce qu'on vous a déjà parlé de Toussaint Louverture à l'école? Oui. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Toussaint Louverture était un homme très sérieux et puis il n'avait pas à l'école. Et il a gagné la bataille de Vertières. Et puis... C'est Toussaint la bataille de Vertières? Oui. Ah oui, vous êtes sûr? Oui. Et là, c'est la première fois que vous venez le voir dans le musée? Non. Vous êtes déjà venu? Depuis 5 jours, 5 semaines. Oui. Depuis que j'ai visité le musée. Vous venez avec l'école ou vous venez comme ça, toute seule? Oui, toute seule. Toute seule? Oui. Vous aimez bien cette peinture? Oui, oui. Parce que c'était intéressant. Parce que quand on était petite, on ne sait rien des histoires et... Les livres d'histoire aussi, vous rappeler comment se fait l'histoire et puis les livres aussi. L'unique route qui mène de Port-au-Prince au Cap Haïtien, berceau de Toussaint Louverture et ville du roi Christophe où il édifia sa folle citadelle, passe par les Gonaïves, troisième ville du pays. En prenant à droite un chemin de pierre caoutheux, dans un de ces camions tap-tap peinturlurés et surchargés, on grimpe jusqu'au bourg d'Henry, 15 000 habitants, une activité débordante les jours de marché. La sécheresse y est sévère et la vie difficile, mais l'on a au moins un sujet de fierté, Antonio. C'est là que Toussaint a fait son habitation. C'est-à-dire au moment où il a décidé de faire vraiment la guerre pour son indépendance. Pour l'indépendance. Oui. À l'arrivée de Toussaint, le comte Bélier est parti. Et il y avait beaucoup de comtes et de ducs. Ici, à Henry, c'est le comte d'Henry. Nous avons le duc de Pascal. De l'autre côté, il y a le duc de la Rivière. En fait, tous les monuments sont là. Donc à Henry, nous n'avons que cette petite place mal restaurée. Là où a habité Toussaint Louverture, avant qu'il a été pris par trahison. Mais il n'avait pas été déporté ici. C'est à Pont-Gaudin qu'il a été arrêté par Brunet. Qu'il a été fait prisonnier, alors ça, c'était plus tard. Oui. Ça a été plus tard. Mais quand il était ici, il était déjà très connu ? Très, très connu, puisque il y avait de ce côté-là sa caserne. Là, c'est-à-dire, là, vous montrez de votre doigt, ça, pour l'instant, on voit des arcs, oui, il y avait une chapelle et sa caserne. Il ne reste plus rien, là, non plus. Non, il y a quelques vestiges. Ici, c'est sa maison. C'est sa maison habitable qui était là. Quelques pierres. Et donc, c'était d'ici qu'il avait réuni son armée, en fait, quand il a commencé à travailler ici. Oui, il avait réuni son armée ici. Mais l'armée se trouvait de ce côté-là pour les entraînements. Est-ce qu'on sait ça, Henry? Vous croyez tous les gens qui habitent dans la région, ils connaissent bien l'histoire de Toussaint? Eh bien, pour la plupart, ceux-là qui ont étudié ici savent l'histoire de Toussaint en partie. Mais pour l'approfondissement, il faut vous référer tout le temps à ceux-là qui ont étudié à Port-au-Prince, qui ont fait leur classe secondaire. Qui sont allés faire leurs études secondaires à Port-au-Prince? Oui, à Port-au-Prince. Et qui est-ce pour vous alors? Qu'est-ce qu'il représente? Toussaint. Mais pour moi, Toussaint était le fondateur de l'indépendance d'Haïti. D'après moi, Toussaint était plus instruit que Dessalines. Donc il aurait pu nous donner une indépendance plus parfaite. Et vous pensez qu'aujourd'hui en Haïti, on n'est pas assez conscient de ça? Est-ce qu'on ne le reconnaît pas comme un vrai héros? Oh oui. Puisque on célèbre sa mémoire chaque 7 avril. Puis on a fait venir aussi ses restes de France, très récemment. Oui, c'est pour mausolée de Port-au-Prince. Au contraire, nous comptons ériger un buste en mémoire de Toussaint ici. Ici à Henry, c'est ici à Henry, nous allons restaurer cette petite place et ériger un buste. Comme ça, tous les enfants qui passeront ici le connaîtront enfin. Le connaîtront très bien. Gade mache ti peyi mwen adye ou, gade mache ti peyi mwen adye ou. Reaksyone, mache fek wè, mwenyen ek sot, ad nek l'esprit. Se lan konsa, pep pa isyen, mwenyen l'ekol, pou li ale. Yabe moren, yo espere, nabe toujou, repekeke. T'as démarché, t'y paye, moi, adieu. T'as démarché, t'y paye, moi, oh, adieu. T'as démarché, t'y paye, moi, adieu. T'as démarché, t'y paye, moi, oh, adieu. Réactionnaire, à peine montré, ça c'est Milad, ça c'est les Gnouets. C'est grand concert, y'a divisé, tout qu'à camper. Yabe oren, yo espere, nabe toujou, repekeke. Ta demache, ti peyi mwen adye ou. Ta demache, ti peyi mwen adye ou. Ta demache, ti peyi mwen adye ou. Ta demache, ti peyi mwen adye ou. Reaksyone, ap rakonte, mwen te feb. La femme c'est mystère, c'est bien causé, ou femme pas campé, libéré, pays nous en. Y'a des morés, yo espéré, n'a pas toujours répété. Y'a des marchés, t'y pays, moi, adieu. Y'a des marchés, t'y pays, moi, adieu. mache ti pey mwen ate ou Tade mache ti pey un petit peu les étapes, Gérard Laurent, car cette histoire est passionnante, mais longue, et puis un petit peu difficile aussi à suivre, peut-être. Arrive la période donc, de Bonaparte, qui a les pleins pouvoirs en France, et qui est un peu irritée par la puissance de ce Toussaint Louverture. On disait un petit peu que Toussaint Louverture, au fond, était une sorte de Bonaparte des Caraïbes, et que ça irritait l'empereur, est-ce vrai? Oui, dans un certain sens, on peut le dire, car nous savons que Toussaint Louverture a osé écrire à Bonaparte le premier des Noirs au premier des Blancs. Ce qui était déjà pour Napoléon Bonaparte une insulte. Et Bonaparte a cru que pour sauver la colonie, il fallait rétablir l'esclavage. Et ce fut là la mission de Leclerc. Leclerc, gendre, non pas gendre, beau-frère de Napoléon, donc, et qui a été envoyé pour, en fait, arrêter tout ça. Il est envoyé à ce domaine pour diminuer la puissance de Toussaint Louverture, pour démanteler entièrement les armées coloniales et permettre à la France de reconquérir ce domaine. Parce qu'il y a une mesure qui a été prise bien avant, on a rétabli l'esclavage dans les Antilles, à la Guadeloupe et à la Martinique. Donc on s'attendait à ce qu'il prît les mêmes mesures à ce domaine. Et effectivement, c'était dans ses intentions et il a pris toutes les dispositions dans ce sens. Et c'est à ce moment-là alors qu'il y a eu une trêve entre Toussaint Louverture et Bonaparte. Des deux côtés, il y avait malice, c'est-à-dire on était faux dans les deux camps. Toussaint Louverture pensait, à la faveur de cette trêve, parvenir à faire comprendre le danger qui menaçait la liberté et grouper autour de lui tous les indigènes noirs et de couleur. Leclerc, de ce côté, comptait, à la faveur de cette trêve, recevoir entre-temps les forces promises par Napoléon afin de pouvoir bousculer entièrement Toussaint Louverture. Donc voici les raisons pour lesquelles cette trêve fut consentie de part et d'autre. Voyez? Mais il va se débarrasser de Toussaint Louverture un mois après. Il prend un prétexte quelconque, n'est-ce pas? Et Toussaint Louverture est arrêté et déporté. Et là, vous pensez qu'il est vraiment tombé dans une sorte de guet-apens? Il ne s'attendait pas du tout à ça? Là, alors, je dois vous dire que je ne suis pas tout à fait d'accord que l'on dise que Toussaint Louverture soit tombé dans le guet-apens. Ou bien, s'il est tombé dans le guet-apens, il savait très bien qu'il allait tomber dans le guet-apens. Car si on tient compte des qualités de l'homme, un type qui est méfiant par tempérament, un type aussi qui est très sagace, très perspicace, un type qui avait la possibilité de lire dans la pensée des autres, vous voyez, on ne s'explique pas que devant répondre à un rendez-vous, il trouve sur son chemin des gens qui lui disent de ne pas y aller parce qu'il y a ceci, il y a cela, n'est-ce pas? Malgré tout, il y va. Et à quelques lieues, peut-être deux lieues du rendez-vous, il s'arrête, il se débarrasse du gros de ses armées, se contente de prendre seulement un petit corps de garde et il embrasse l'un des chefs pour lui dire « Voici comment je fais mes adieux à mon armée. » Mais sous quel prétexte a-t-il été arrêté? On prétend justement qu'il avait une correspondance secrète avec un chef insurgé. Car entre-temps, vous savez, dans les Mornes, il y avait pas mal de troubles, les marrons qui s'organisaient. On appelle les marrons de la liberté, qui avaient pris le maquis. Ouais. Qui avaient pris le maquis. Et donc c'est sous ce prétexte qu'il avait des relations avec ces rebelles, oui, qu'il a été arrêté. Mais c'est bien un prétexte parce que lorsqu'il a été arrêté, on a demandé à Leclerc de faire venir les preuves, les papiers attestant que Toussaint Louverture avait trahi et était en train justement de comploter. On n'a jamais pu trouver les papiers parce que ces papiers n'existaient pas. En me renversant, on a abattu à Saint-Domingue l'arbre de la liberté des Noirs. Mais il repoussera car ses racines sont profondes et vivace. Je nous t'ai gagné, non pas toi, ça t'a passé. On est à nos lumières, à ton point, tout ça n'a fait. Vive la civilisation, nous ne savons pas la vie, notre vrai jour. Il est là. Toussaint, mort en France, a laissé à ses généraux Dessalines, puis Pétion, le soin d'assurer l'indépendance. On entend encore aujourd'hui en Haïti, sur tous les chantiers, le son du lambi, ce gros coquillage dans lequel les marrons de la liberté soufflaient pour s'appeler de morne en morne. Il accompagne aujourd'hui le travail sous le soleil. Il fait partie du paysage sonore, tout comme le combat de coq. Combat de coq, véritable sport national, ancestral lui aussi. Chaque village a sa gaguerre, une petite arène de bois, ombragée de feuilles de bananier, où l'on se presse avec passion pour soutenir à grands cris de cruelles et magnifiques luttes. Alors là, c'est un combat de coq qui se prépare ici. Hein? Oui, qui se prépare. Tous les hommes, là, ils ont chacun un coq. Il y en a beaucoup de coqs ici. Non, on a beaucoup. Mais ici, on est superstitieux. Alors, l'un vient pour une couleur. Alors, suivant la couleur, suivant le rêve, on va avoir gris, rouge, suivant. Tout dépend. Maintenant, l'entente. On va mettre le caution. Alors, après le. Quand le pari s'est terminé, le gagnant va recevoir tout l'argent des deux. C'est ça. Quand la guerre est terminée, quand le combat est terminé, oui. C'est le gagnant qui reçoit tout l'argent. Sûr. Et les gens, et tout le monde qui regarde, les spectateurs, ils jouent l'argent. Ah oui, ils jouent. Oui. Voilà. Alors, on va donner 2 dollars à cette boule. C'est ça. On parie de plus en plus. Oui, plus. Gros. Et ces coqs, qui c'est qui les élève? C'est chacun qui a ses coqs? Chacun. C'est ça? Oui. Tout le monde en a ici? Non, pas tout le monde. Alors, il y a des fanatiques du gaguerre. Et d'autres vont à l'église, tout dépend. Il y a ceux qui font la gaguerre avec les coqs et ceux qui vont à l'église. Oui. C'est pas les mêmes. Nous sommes à la même. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là avec un. Alors, ils sont en train de déguiser les ergots pour pouvoir gagner plus facilement. Alors, le coq combat avec le bec et les ergots. Et un coq fait plusieurs combats? Oui, on appelle ça pari. Son existence, il peut combattre 20 fois, tout dépend. Alors, il peut perdre aussi la seule fois. Il peut perdre la première fois, la première fois il est tué tout de suite. Tout de suite. Alors, il y a aussi, on a vu tout à l'heure, le chef de la gaguerre d'ici, c'est ça? Oui. Que vous m'avez montré, là, qui passe. Et c'est chez lui qu'on est aujourd'hui. Qu'on est aujourd'hui. Voilà. Demain, on va. Il y en a beaucoup dans la c'est la croix, ça, ici. Alors, celui-ci, demain, il se déplacera pour un autre endroit. Ah, c'est ça, visite réciproque. C'est visite réciproque. Tous les autres propriétaires sont ici aussi. Ils sont venus voir. Oui. Alors, à chacun son tour. Ça coûte cher, jouer la gaguerre, on met beaucoup d'argent. Ça dépend du pari. Alors, si on est sûr, on va mettre le caution se met à 10%. 2 dollars, 20 dollars. 4 dollars, 40 dollars. C'est ça. À 10%. Et c'est cher pour les gens ici, non? Oui. Alors, ils mettent beaucoup d'argent. Ils se donnent beaucoup de sacrifices pour pouvoir. C'est leur croyance. Les femmes, elles sont d'accord? Ah non, avec le père d'eux. Oui. Va être tué à la maison par la femme. Ah oui, c'est le père. Oui. Quand il rentre chez lui, sa femme n'est pas contente. Oui. Ah, oui. Alors non, le gagnant va avec ses deux, avec les deux. Ah, parce que le gagnant, il a le coq mort pour lui aussi. Oui, pour lui aussi. Il lui donne. Ah, oui, l'argent. En plus, le coq mort. Alors ça, elle est contente. Ça va commencer tout de suite. Alors cette couleur, on l'appelle le gadjin, ici. L'autre c'est oui. Ah, ils sont lâchés, ça y est. Bon, c'est parti. Ça va, c'est à toi. Ça va, c'est à toi. Voilà, le combat a commencé et c'est le rouge qui a l'air de gagner, c'est ça? On entend tout le monde crier le rouge, le rouge. Ah oui, le rouge pas favori. Ouais. C'est pourquoi tout le monde appelle le rouge. Alors le rouge va donner le gabelle. 5 gouttes pour 4 gouttes, 5 à 4. 5 gouttes pour 4 gouttes. 5 gouttes pour 4 gouttes, 5 à 3. Alors, suivant l'ambiance, on peut donner 5 à 1. C'est ça. Alors, les gens continuent à mettre de l'argent pendant le combat. Oui, pendant que... Qu'on voit, autant qu'on voit l'avantage. C'est long, en principe, un combat de corps? Non, ça, tout dépend. Ça dépend. Ça peut durer une minute. Alors, le combat peut aller jusqu'à 30, 45 minutes. Une heure. Alors, à la surprise de tout le monde, c'est ce qu'on appelle. Oui, le rouge a gagné. Alors, le rouge a tué, il a gagné. Et alors, qu'est-ce que quand tout le monde crie en même temps, là, oh, comme ça, ça va dire quoi? Alors, c'est l'encouragement. C'est ça, c'est chaque fois qu'il y a chacun un coup, encourage son corps. Oui. Chacun encourage son corps. C'est chaque fois qu'il y a un corps qui saute comme ça, oui, en l'air, hein, c'est ça? À chaque bec. Oui. À chaque bec. Tout d'un coup, il y a un des coqs qui s'est écoulé. Alors, maintenant, on va faire un peu des autres. Pour voir s'il peut avoir un autre pari. C'est-à-dire c'est le même coq, c'est le vainqueur qui va rester maintenant? Non, le vainqueur va être avaré, va être élevé. Il est fatigué. Mais après 15 jours, il sera de retour. Après 15 jours, il reviendra. Il reviendra. Et d'un seul coup, il a tué. Hein, il a tué, oui. Oui. Mais ils étaient très blessés l'un et l'autre quand même. Oui. Hein. Belle vallée, parlez-moi du sein. À ta petite oreille, tu apprends à marcher en bataille. Mm-hmm. quand souffle bouillon, semble bouillon, il m'en provoque, peuple à l'aile et liberté. Parfois des coups de tibon, quand souffle bouillon, semble bouillon, il m'en provoque, peuple à l'aile et liberté. Parfois des coups de tibon, quand souffle bouillon, semble bouillon, il m'en provoque, peuple à l'aile et liberté. Monsieur le ministre et chers collègues, je tiens à vous exprimer mes remerciements les plus sincères pour la réponse généreuse et empressée que vous avez eu l'amabilité de me faire parvenir à la suite de notre requête relative au transport de l'urne symbolisant le retour des restes de Toussaint Louverture. Le gouvernement haïtien a été particulièrement sensible à l'intérêt personnel que Monsieur le Président de la République française ainsi que vous-même avez porté à cet événement dont la portée exceptionnelle ne saurait échapper aux hommes de grande culture que vous êtes. Cependant, compte tenu du protocole mis au point en Haïti, tant pour recevoir cette urne que pour la placer au Panthéon national, parmi les restes des pères fondateurs de la patrie, je me permets de solliciter maintenant, au nom du gouvernement haïtien, qu'elle soit remise soit à l'aéroport au moment de son arrivée en Haïti, par l'ambassadeur de France, soit en France, dans un lieu de votre choix, avant son départ pour Haïti. Paris, le 22 mars 1983. Monsieur le ministre et chers collègues, je vous remercie de votre lettre du 22 mars répondant à mes récentes suggestions relatives au transfert d'une urne commémorative des restes de Toussaint Louverture. En me situant dans l'esprit que nous avons en commun de commémorer comme il convient le souvenir historique du héros national de votre pays, je m'empresse de vous indiquer que nous nous rallions à votre proposition d'organiser la remise officielle à Paris. Le chef du protocole de la République française remettra donc l'urne commémorative entre les mains de l'ambassadeur d'Haïti le vendredi 25 mars au Quai d'Orsay, au cours d'une cérémonie qui correspondra au caractère historique du geste que la France accepte de faire à la demande du peuple et du gouvernement haïtien. En me réjouissant de l'accord ainsi réalisé entre nous, je vous prie, monsieur le ministre et chers collègues, d'agréer l'expression de ma haute considération. Signé Claude Chesson. 1983, donc, arrivée solennelle de l'urne symbolique à l'occasion de l'inauguration du Panthéon national à Port-au-Prince. Panthéon d'une architecture très contemporaine, situé sur le Champ de Mars, place des héros de l'indépendance, en bonne place à côté du Palais national, du Palais des ministères et des casernes Dessalines, et sur l'herbe, les chevaux de bronze de Toussaint Louverture, de Dessalines et de Pétion. La vitrine du pays en saisissant contraste avec d'autres quartiers de cette capitale où les 4/5 de la population n'ont pas accès à l'eau courante. Au Panthéon national, Gérald Alexis. Ce sont des anneaux excentriques déplacés vers l'avant. Donc en pénétrant dans la grande grille d'acier, on arrive devant le sarcophage qui renferme les restes des héros de l'indépendance. Donc Alexandre Pétion, Henri Christophe, Jean-Jacques Dessalines et Toussaint Louverture. Il aurait été impensable, Gérald Alexis, de faire ce mausolée, donc ce panthéon pour les héros de votre pays sans Toussaint Louverture. Absolument. C'était d'autant plus important qu'il revienne que Toussaint est mort avant l'indépendance, avant la déclaration de l'indépendance. Alors que c'est lui qui l'avait. Alors qu'en fait, il avait tant fait pour ça. Ce n'était que le moindre hommage que de pouvoir l'accueillir ici dans ce monument érigé à son honneur en partie. En passant, on voit tous les noms de tous les grands généraux qui sont autour. Oui, ce sont les quatre. Ici, à l'arrière du sarcophage, il y a une garde d'honneur permanente Et vous avez ici quatre drapeaux qui sont symboles donc de ces quatre héros, l'ouverture des Salines, Christophe et Bétion. Cette deuxième partie, qui est la partie historique, est divisée en sept alvéoles. La première remonte à l'époque précolombienne d'Haïti, avec des vestiges des civilisations indiennes qui ont habité l'île avant Christophe Colomb. La deuxième représente l'arrivée des Espagnols. Il y a l'ancre de la Santa Maria qui a échoué au large du Cap la nuit de Noël. Les bateaux de Colomb, donc. Oui. Et puis, il y a l'arrivée des esclaves pour remplacer les Indiens qui ne pouvaient pas résister au travail forcé. Qui avaient été décimés par le travail et par les maladies également. Par les maladies apportées par les Espagnols. Et par les animaux aussi, pardon, parce qu'il n'y avait pas de chevaux ici. Les Indiens étaient végétariens en grande partie. Avec l'arrivée du bétail et des animaux de monture, ils ont eu une compétition féroce, parce qu'ils mangeaient aussi des herbes, des feuilles. Et tout de suite après, la partie qui montre l'arrivée des esclaves, il y a la partie qui est consacrée à l'indépendance d'Haïti. Et dans les vitrines qui font le tour de cette alvéole se trouvent des objets qui ont appartenu à Toussaint Louverture et à sa famille immédiate. Il y a entre autres cette montre très très très belle, qui a un améthyste extraordinaire, une chaîne très particulière. Ici vous avez des boutons qui étaient ceux de l'uniforme de Toussaint Louverture et qui ont été mis à la disposition par un musée américain. Et ces boutons sont très beaux parce que ce sont des peintures sur soie qui représentent 6 scènes de la vie coloniale de l'époque française. Et enfin, l'acte de décès de Toussaint, alors l'a fait fait en France, oui. Le 7 avril 1803. Et c'est justement, la date du 7 avril a été choisie pour l'inauguration de ce musée, 1803-1983. France Culture, l'échappée belle. Partir, découvrir. Aujourd'hui, voyage en Haïti sur les traces de Toussaint Louverture. Louverture est donc aujourd'hui élevé définitivement au rang du mythe. Il aurait même songé à porter son pouvoir jusque chez ses frères africains. Il est le symbole de la liberté des Noirs. Mais si nul ne songe aujourd'hui à contester la charge affective de ce personnage hors du commun dans le cœur des Haïtiens, beaucoup de jeunes historiens remettent en question certains aspects de son personnage. Témoin Pierre Buteau. J'aime bien l'expression « homme d'État ». Vous savez, ça fait encore controverse. Ce grand mot qu'on agite souvent, Toussaint, cet homme fut une nation. Je crois qu'il fut davantage un homme d'État, c'est sûr. Mais un homme d'État qu'on a mythifié. Bon, d'ailleurs, ses actes et puis la dimension même du personnage historique expliquent ce caractère mythique. Ça va, dont on entoure les études et relatives à Toussaint, consacrées à Toussaint. Homme d'État, il l'est, pour une seule raison d'abord, une première, une toute première raison. C'est d'avoir, après l'insurrection servile, compris qu'il fallait avant tout à ce mouvement qui était à cette époque informe quand même, au stade de ce qu'on appelle de la spontanéité généralement, qu'il fallait imprimer à ce mouvement une organisation rationnelle, ce qu'on appelle peut-être déjà un parti politique, qui n'existait pas alors et qui n'existait même pas en France malgré les Jacobins. Mais on peut le dire, à cette époque, Toussaint avait édifié à Saint-Domingue, aux environs surtout de 1793-94, un parti de masse. Est-ce qu'on n'a pas aussi reproché quelquefois de ne pas être allé assez vite, c'est-à-dire par exemple de ne pas avoir tout donné tout de suite aux Noirs, notamment je crois qu'il y a eu une constitution et un parlement dans lequel il n'y avait pas de représentation de Noirs, et puis également qu'il n'a pas distribué les terres. C'est un point sur lequel beaucoup n'étaient pas d'accord en tout cas. Le procès louverturien tourne d'ailleurs autour de ce point, c'est vrai. Et la politique louverturienne n'a pas présenté d'ambiguïté, du moins en ses débuts. Parce que entre 93 et 96, il fut ce qu'on pourrait appeler un leader de masse, pas du tout coupé d'air. Et puis tous les actes, toutes les mesures, l'orientation même du mouvement, du parti louverturien, attestaient de cette ligne révolutionnaire. On ne peut pas contester à cette époque, à Toussaint Louverture, d'avoir pas été un révolutionnaire. Mais au fait, c'est pendant l'évolution de la lutte qu'on a constaté certaines réticences quant aux aspirations des masses, et c'est vrai. Et l'homme d'État ici est devenu, on peut le dire, l'homme d'État d'un secteur bien déterminé. Puis alors, à partir de 1799, il y a eu ce qu'on a appelé déjà ce glissement vers une politique qui ne serait pas du tout une politique orientée vers la satisfaction des intérêts des masses. Ça, il faut le dire. Et de plus en plus aussi, les historiens qu'on appelle généralement les historiens traditionnels de chez nous semblent vouloir l'admettre. Parce que c'est un point qui vous agacez un peu, sur lequel vous n'êtes pas d'accord en tout cas. Sur lequel j'émets des réserves. Oui. C'est-à-dire qu'il vous semble au fond que l'histoire de votre pays a trop mythifié le personnage de Toussaint Louverture en laissant de côté peut-être ses faiblesses ou en tout cas ce qui n'arrangeait pas l'image que l'on voulait avoir du pays. Est-ce que c'est vrai. Ce mythe a été grossi par ce qu'on a appelé le drame du Fort de Joux. Ça va, le mythe, on est resté accroché au martyr du Fort de Joux. Si bien qu'on a oublié l'homme d'État en Toussaint. Cet homme d'État qui était engagé dans une lutte, qui engageait toute une société à structure assez complexe. Puis Toussaint, à cette époque-là, c'est vrai à partir de 1801, a montré certaines faiblesses, on doit l'admettre. On ne s'est pas efforcé, on ne s'est pas astreint à aller au-delà du personnage d'ouverture. Et on a donné dans une intentionnalité, dans une subjectivité qui ennuie énormément à l'évolution de la science historique dans notre pays. Certes, Toussaint Louverture demeure toujours peut-être la grande référence haïtienne. Et pas seulement pour les Haïtiens, mais peut-être qu'ici, je touche un point assez important qui rappellerait peut-être ce qu'on appelle le mouvement de la négritude, mais peut-être pour tous les nègres du monde entier. Parce que c'est vrai, pour répéter la très belle phrase de Césaire, c'est ici que pour la première fois s'est mise debout la négritude, et avec l'ouverture. Avancez, mes enfants, mes amis, frères d'ignominie, vous que hait la nature et que l'homme renie, à qui le lait d'un saint par les chaînes meurtries n'a fait qu'un cœur de fiel dans un corps amaigri. Vous, semblables en tout à ce qui fait la bête, reptile, dont je suis le venin et la tête, le moment est venu de piquer au talon la race d'oppresseurs qui nous écrase. Allons. Ils s'avancent. Ils vont, dans leur dédain superbe, poser imprudemment leurs pieds blancs sur notre herbe. Le jour du jugement se lève entre eux et nous. Entassez tous les maux qu'ils ont versés sur vous. Les haines, les dédains, les hontes, les injures, la nudité, la faim, les sueurs, les tortures, le fouet et le bambou marqués sur votre peau, les aliments souillés, les rebuts du troupeau, vos enfants nus suçant des mamelles séchées, aux mères, aux époux, les vierges arrachées, comme un autre bétail, vous-même, en un mot, vendus et revendus, ou par tête, ou par lot. Vos membres dévorés par d'immondes insectes, pourrissant au cachot sur des pailles infectes, sans épouse et sans fils, vos vils accouplements, et le sol refusé même à vos ossements, pour que le noir proscrit qu'il vive ou qu'il succombe, sans famille ici-bas, fût sans Dieu dans la tombe. Vous avez vu piler pour la poudre à canon, le soufre, le salpêtre et le noir de charbon? Sur une pierre creuse, on les pétrit ensemble. On charge, on bourre, et feu! Le coup part, le sol tremble. Avec ces vils rebuts de la terre et du feu, on a pour se tuer le tonnerre de Dieu. Eh bien, bourrez vos cœurs comme on fait cette poudre. Vous êtes le charbon, le salpêtre et la foudre. Moi, je serai le feu. Les blancs seront le but de la terre et du ciel. Misérable rebut, fais voir en éclatant. Ô race enfin vengée, de quelle explosion les siècles t'ont chargé. Un extrait de Toussaint Louverture, drame en cinq actes, d'Alphonse de Lamartine. Et puis un autre regard de l'école moderne des jeunes historiens haïtiens, Mireille Perraudin-Jérôme. Eh bien, c'est une histoire, si vous voulez, presque mythologique, qui fait de l'histoire de la légende, c'est de la légende historique où les personnages principaux, tels que Toussaint Louverture, Dessalines, sont considérés comme des personnalités envahissantes. Qui absorbe même le fait historique, qui remplace le fait. Et l'analyse ne va pas plus loin, si l'analyse il y a le plus souvent. Et c'est une histoire narrative, récitative, voyez-vous. Alors nous tentons de faire une histoire un peu plus analytique. Nous portons la réflexion au-delà du héros, comme on l'appelle. Nous rentrons dans l'intervention populaire, dans l'histoire. Nous passons par l'esclave, le marron, comme on l'appelle, qui deviendra le vagabond, parce qu'il sera condamné pour vagabondage après le gouvernement, pendant tout le temps où les premières structures d'État étaient posées, après l'indépendance. Et ceci n'est pas dit dans l'histoire actuelle, telle qu'elle est racontée. On peut dire que dans l'histoire traditionnelle, ceci est presque entièrement court-circuité. Il y a toute une tradition, il y a même des pontifs de la question qui bloquent toute analyse nouvelle portée sur Toussaint et sa pratique en tant qu'homme politique. Mais la lecture nouvelle, si on peut l'appeler comme ça, elle essaie d'être objective concernant le personnage. Et je vous assure qu'il faut un certain courage, parce qu'on se colte à tout un secteur assez solide, enraciné dans le milieu, qui est la tradition. Jusque Mardi Gras en Haïti, chaque année, le carnaval parcourt le pays. Mais si à Port-au-Prince, ce sont des camions sonorisés qui passent maintenant dans les rues, à la campagne, comme autrefois, on voit partout les raras des processions improvisées qui viennent amuser les habitants devant leur caille. Haïti sur les pas de Toussaint Louverture, émission proposée par Dominique Rousset. Prise de son, Patrice Klein, mixage, Jean-Claude Gauthier et François Caillard. Les textes étaient lus par Philippe Bourriès, une réalisation de Brigitte Aléo.